God's changed my ways, changed my ways, those evil ways. So I set out across that way to strike them down, to make them pay and change their ways. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast le plus intéressant de tous les temps. Mon nom est Nelson et je suis de retour avec mes bons amis, venus directement de je sais plus. Ou Fatman de Catch. Oui, salut. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Comment ça va depuis un mois qu'on n'a pas parlé? Comme je te disais avant que tu fasses l'enregistrement, ça va toujours aussi bien. Ouais, hein. T'as regardé beaucoup de vidéos de Alain Soral, oui, on va refaire la blague. Ouais, comme je te disais, ouais, toujours autant, ouais. En direct de son McDonald's, bonjour Siegfried. Bonjour. T'as retourné beaucoup de steaks. Putain, ouais, enfin, j'étais toujours au toaster, donc je faisais pas trop les steaks, mais voilà, j'ai mis beaucoup de pain, et c'est pas mal. Voilà, ça fera de l'argent. De retour, en direct de Malte, Romain Electronic 91, bonjour. Je suis parti encore nulle part pour l'instant, hein, mais oui, bien sûr, bonjour. On a des grands projets pour les... On va dire que t'es à Malte. C'est ouais, on a des grands projets pour les McDo d'Europe, on l'explique tout à l'heure, mais on a des nouveaux menus à faire, à proposer. Voilà. Cette semaine, on n'a pas filoté. Fouillotode, maintenant, c'est un homme, un adulte, donc il a des choses à faire, il ne peut pas être là. Donc Fully Loaded n'est pas présent avec nous ce soir, mais à la place, on a quelqu'un qui est adoré sur ce forum, quelqu'un qui est le meilleur ami de Psymon, ou qui l'a été à un moment, mesdames et messieurs, Pierre Guesson, mesdames et messieurs, Cartman 54. Salut. Si tu peux monter le volume de ton micro, ce serait cool. Salut. Alors, et on a un nouveau slogan dans l'émission, hein, d'ailleurs. Salut. Ah bon? Ouais, le plus gros texte que Zig a retourné, c'est ta mère. Donc voilà, coucou Pierre Caisson, comment est-ce que ça va? Bah moi ça va bien. T'as regardé beaucoup de catch récemment? Ouais, je pense que je dois être à peu près à une ou deux minutes, en deux ou trois mois. Et bah ça tombe bien parce que justement on est dans un podcast de catch, donc ça tombe bien. Déjà plus que Fouli. Mais j'ai regardé beaucoup de Alain Soral. Donc voilà, je vais commencer avant qu'on passe au sommaire. J'ai regardé aussi un let's play de Essai Torni. Avant qu'on passe au sommaire de cette émission... j'ai envie de faire ma blague sur Kurt Angle. Attention, je me prépare à rire. Donc Kurt Angle, qu'est-ce que dit Kurt Angle quand il va à la boulangerie? Bonjour. Ouais, bonjour, déjà il dit bonjour. Non, il dit hello, parce qu'il est américain. Non, hello. Il dit bonjour, j'aimerais du pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain. On a oublié de remettre un truc qui était super connu, le rire à New Jack. Donc ouais, ça on peut le rajouter. Mais alors, vous voyez, au moins j'ai eu des rires, donc c'est déjà mieux que rien. Donc, de quoi on va parler? On va parler de WWE Payback, qu'il n'y a que moi et Romain qu'on l'a vu, on dirait, je crois. Oui. Ouais, oui. Donc c'est cool. D'ailleurs, c'est qui l'avons vu, parce que quand on l'a vu, on dirait des gros bouseux qui savent en parler. Et tu es un gros bouseux. Oui, et tu es au Portugal, donc oui, t'es qu'une grosse merde, quoi. Voilà. On peut parler de... Alain Soral. On peut parler... Parler d'Alain Soral. Il y a un problème de cet appel. Voilà, en gros, est-ce que vous avez vu le dernier spectacle de Dieudonné, Foxtrot? Je n'ai pas aimé, mais on pourra en débattre à la fin de l'émission. Exactement, donc, on peut parler aussi du pay-per-view TNA. Oui! Yes, brother! Bang! Qui était cool, donc Slammiversary. Slammiversary qui était cool. Qui était génial. Avec Fatman et Elec, on va parler du Tournament of Death, de ce que Fatman a vu. Nous, on va pas le spoiler un peu. Là, je suis en train de finir le main event là, donc. Attends, voilà, donc on pourra lui parler de ça. D'accord. Et je parlerai de ma première expérience sur le ring. Et c'est à peu près tout. Donc voilà. Si Electronic est toujours en train de bugger, attendez, je vais raccrocher Electronic et je vais le rappeler. Donc voilà, voilà, Romain, s'il te plaît, décroche, on va meubler. Ah, il est occupé, écoute. Quelle intelligence. Oh putain. Masturbe. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous voyez pas qu'on avait Simon, il vient de se connecter sur Skype là. Non. Allez, vas-y, on l'ajoute pour le fun. Hey les gars, voilà. Bon, attendez, je vais poser l'enregistrement. Non, mais c'est vrai, ça serait mal. Je vais poser l'enregistrement. On voit le Merlu, le magnifique symbole du Football Club de Lorient. Ça fait à moitié un espèce d'oiseau en fait, si tu regardes, un espèce de cygne. Donc on peut recommencer, on peut continuer donc. Ouais, parce que si tu recommences, c'est mort à chaque fois que j'ai un bug de connexion. Non, je vais pas recommencer, on va continuer. Est-ce qu'on peut rajouter Bito? Non, pas Bito. Donc, il peut nous parler de trucs pas drôles. On n'appelle pas Bito, on n'appelle pas Simon, on n'appelle pas TGF, on n'appelle pas Lyon. En gros, t'as fait bugger toute ta connexion, je pourrais chercher le rire à New Jack. Non, parce que c'est sur deux ordi différents. C'est pas le rire à New Jack, c'est le rire de New Jack. Mais... Voilà, hein, il faut un peu le rire à New Jack, c'est le rire de nouveau Jack. Bon, alors, WWE Payback, c'était le 6 juin 2013. Attention, il est 23h11, je suis parti. À gauche. Ça va être impossible de faire. Donc Nelson Payback, bien sûr, donc. C'était donc le 16 juin 2013, c'était à Rosemont dans l'Illinois. Non, c'est pas ça. Exactement. Non, c'est à Chicago dans l'autre. Non, c'était à Chicago, donc je sais pas pourquoi c'est écrit Rosemont dans l'Illinois sur Wikipédia. Ouais, c'est à Chicago, Illinois. Et c'était très très cool. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà en général avant qu'on aille en détail dans les matchs? Moi, j'ai trouvé ça moyen, moi. Alors, dis-nous pourquoi. Non, mais je l'ai pas vu, mais je trouvais ça... Bah, des résultats. Toi qui ne l'as pas vu, qu'est-ce que t'as pensé des résultats comme ça? J'ai même pas lu les résultats, en fait. Ah, si, donc... j'ai eu le résumé du main... Si, j'ai regardé un petit peu la partie Lumberjack match, mais c'était tellement dégueu que j'ai arrêté. Donc, bah, laisse-moi te dire que tu es complètement con, parce que j'ai pas regardé le main event, parce que le main event... Ah, John Cena, non, merci. Mais j'ai regardé tout le reste. Le gros marque. Et le pay-per-view est très très très très bien. Fils de pute. Siegfried, est-ce que tu l'as vu toi? Non, j'ai juste vu la fin du Del Rio contre Ziggler. Qui est très bien d'ailleurs. Ouais. Donc Pierre, t'as pas vu je crois, non? Adolf Ziggler, le nazi, on se référera à mon topic que j'ai fait une fois là-dessus. je n'ai pas vu ce pay-per-view malgré que l'envie était là. Voilà, et donc Romain, donc, qu'est-ce que t'en as pensé en général avant qu'on aille match par match? Romain Del Rio. En général, j'ai pas son salaire. En général, je l'ai dit avant l'émission, en fait, c'est que par rapport, genre, pour WrestleMania, j'avais des attentes, et ça a été un peu comblé. Là, j'avais aucune attente, et par contre, c'était un show génial. Et voilà. Eh bien, moi, je pense que c'est la dynamique des sports. Oui, ça fait. C'est-à-dire. Ouais, mais faut que tu répondes à la question d'abord, quoi. Donc, c'est-à-dire. Quel est le muscle? C'est-à-dire, Pierre. Non, moi, j'ai juste dit de la merde, là, en fait. Ah. Ça n'avait pas de sens. Bref, je croyais que t'avais vraiment une théorie à la con. Enfin, bref. Non, il a dit la bullshit. Donc, le premier match, c'était donc Curtis Axel face à The Miz, face à Wade Barrett, qui, lui, défendait le titre intercontinental, dans un triple threat match qui était très, très cool, avec un finish très, très cool, et Curtis Axel a gagné le titre. Voilà. Yes! Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, en fait, le finish était vachement cool, en fait. The Miz avait Wade Barrett dans la figure 4 et Curtis Axel a couvert Wade Barrett avant qu'il puisse abandonner, donc il a gagné le titre. Donc voilà. Super, ça va être un bon match de merde inintéressant et propre toi. Donc Fatman, tu es très fan de Curtis Axel, Fatman. Qu'est-ce que tu. Cette nouvelle de ton flap, Pas est un great fan, on le sait. J'ai pas vu le match, mais j'ai trouvé très très bon effectivement dans ce match en question. Non, mais c'est toi, donc voilà, Romain, puisque t'es le seul à l'avoir vu, vite fait, qu'est-ce que tu penses? Non, j'ai bien aimé le finish, j'ai beau pas aimé Curtis Axel, ça le fait un peu chier de le dire, mais il a fait un bon match. Alors, je vais lancer une question de mec qui ne regarde plus du tout la WWE depuis il y a quelques années. Est-ce que The Miz a toujours un étron sur le ring, ou est-ce qu'il arrive à bouger maintenant? Et il est où? Non, justement, c'est ça le pire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas un étron, mais si tu l'aimais pas avant, tu l'aimeras pas plus aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ce que j'allais dire, en fait, c'est que avant... C'est un étron sur le ring et il avait un personnage intéressant. Maintenant qu'il est sur le ring, la seule fois où le Miz m'a intéressé dans son personnage, c'est quand même à WrestleMania quand il est contre John Cena et qu'il y a la putain de promo juste avant avec la musique d'Eminem. Bah ouais. Moi je trouve que c'est quand même le seul truc où il m'a intéressé et le match était nul à chier. Donc voilà, moi j'ai laissé 5 minutes en tout hein, dans sa carrière. Le... Ouais, j'ai pas trouvé ça. Enfin, franchement, j'ai toujours aimé The Miz niveau promo et tout, niveau personnage, mais sur le ring c'était un étron. Et maintenant qu'il, est... qu'il s'est amélioré quid, sur le ring. Quid de Ric Flair ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quid ? Quid de Ric Flair ? Je l'ai vu une fois avec Ric Flair, je me suis dit, mais pourquoi ? Est-ce que ça a continué ? Est-ce qu'ils ont continué dans cette voie ? C'est pour ça que The Miz fait la figure fort maintenant. D'accord, mais est-ce que Ric Flair vient toujours ? Est-ce qu'il a toujours ? Est-ce que ah ça non, non, non, non, pas, pas du tout. Fois. Un petit tour et puis on va. Ça mais surtout, il a perdu son fils et là, il est toujours en dépression. Donc, enfin, pas en dépression. Mais The Miz, le problème, c'est. Ouais, son fils est Red Mort. Donc, The Miz maintenant est vraiment. C'est vraiment... Red Mort contre Red Dog. Donc... contre Reddigan. C'est l'émission de l'humour. Parce qu'en fait, voilà, The Miz s'est beaucoup amélioré sur le ring, mais. Maintenant il est face et donc c'est nul à chier, il est insupportable. Je pense qu'il avait quand même une relative grosse marge de progression. Hein. Oui, par contre, il ne peut que progresser. Si tu pouvais parler plus près du micro ou monter le son du micro, c'était bien. On t'entend bien. Est-ce que je peux niquer ta mère ? Non, je parle de Pierre Caisson. Non, bah, non, toi on t'entend bien, Zig. Ouais. Oui, d'accord. Là, tu m'entends très bien ? Ouais, c'est mieux, oui. Ouais. Donc, en gros, même qu'il avait une relative grosse marge de progression. Il était quand même relativement en dessous du niveau 0 avant quand même. C'est... Faut pas ouais, ouais, il était... non, mais il était nul, hein, faut avouer. Je veux dire que moi, avec le gif que j'ai vu, que quand tu te prends la Tiger Brawl, tu luttes mieux que le Miz. Kayfabe, bon, faut pas dire qu'il y a... Non cette... mais c'est une notoriété publique que Red Dog a un war crate à faire bander les plumes. Évidemment. Je suis... Bientôt vous me verrez à WrestleMania contre le Miz. Ouais, dans un R versus R match. Donc, AJ, deuxième match, AJ Lee, qui a battu Caitlyn pour le Diva. Un match de Diva qui a duré 9 minutes 56. Et franchement, elles ont travaillé dur. Non, c'était bien. Ah. C'était plutôt un match de bonne facture, j'ai trouvé. Non, tu l'as pas vu. Non. Mais non, franchement. D'ailleurs, après, on va parler de Slammiversary où il y avait un match de Diva incroyable. Mais quel team ! Mais celui-là, ce match, en fait, ils ont essayé. Ils se sont dit, putain, la TNA, on dirait vraiment qu'ils se sont dit, la TNA, elle essaie de mettre deux meufs faire un long match, on va essayer de faire pareil, nous. Et c'était pas aussi bon, mais franchement, c'était un bon match aussi. Caitlyn s'est vraiment améliorée, mais genre fois 1 milliard. Bah, 1 milliard fois 0, il y a 0, non ? Là aussi, j'ai envie de dire qu'il y avait quand même une relative grosse marge de progression. Hein, Non, mais oui, non, parce qu'il y avait vraiment une. Elle savait pas catcher côté là. Ce qu'il faut comprendre, Et Zemmour, c'est que dans ce lobby judéo-maçonnique qui empêche les divas de faire des longs matchs, moi je trouve dégueulasse. Putain, on dirait vraiment que t'es à 5 km du micro. Oui, mais je sais, là, on entend vraiment plus rien. On entend plus du tout, là. C'est n'importe quoi, ce podcast. Bon, donc voilà, AJ Lee a gagné. Voilà, il répare le micro, donc on va parler. Il vient de sortir sa boîte à outils. Donc, AJ Lee, donc, a gagné le titre. Et c'était bien. Voilà. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé ? Elec ? Non. Oui. Comme tu veux. Maëlas, tu nous manques, même si t'es jamais venu dans l'émission. Non, c'était un bon match. C'était un bon match qui... Voilà, pour faire simple, le match, il a duré presque 10 minutes. Et ben, j'avais pas l'impression que ça a duré 10 minutes. Ouais, voilà, c'est passé vite, c'était bien. Ça résume assez bien le bordel. Troisième match. Dean Ambrose, qui a conservé son titre des États-Unis face à Kane par count-out. Dans un match... Sans intérêt, bah déjà. Oui, sans intérêt. Il était quand même assez bien rythmé, je trouve. Non, il était bien, mais il n'y avait pas d'intérêt. Voilà, il n'y avait pas d'intérêt. C'était pas nul, mais voilà, c'était pas bien. Est-ce que là, c'est bien ? Oui, un peu. Et pour une fois, on a eu un count-out logique. Un quoi ? Un count-out. Un compte de count-out. Un count-out de back. Est-ce que vous voulez vous en parler ? Non. Ça ira. Un count-out, un count... Un count-out. Donc voilà. Donc en gros, c'était pour une fois, c'était logique. Dean Ambrose a tabassé Kane, il est remonté dans le ring, Kane n'est pas réussi à remonter. Count-out. Il n'y a pas eu de. C'était pas un fuck finish où un des deux s'est enfui, etc. C'était pas du tout ça. Romain, impression ? Hein ? Oui. Je regarde autre chose là. Non, ben, je m'en rappelle pas beaucoup de ce match au final. C'est peut-être juste que je me rappelle pas. Donc en fait voilà, cette review va être nulle à chier parce que ça va être juste moi qui vais dire un truc. Voilà, parce qu'il y a que deux mecs qui ont... Je vais dire un truc, je vais demander à Romain, il va répondre et voilà. Voilà. Alberto Del Rio contre Dolph Ziggler, ça, Siegfried l'a vu. Oui, non, j'ai vu que la fin. Ouais, donc voilà, t'as vu la fin. Donc qu'est-ce que t'en as pensé de la fin ? Très bien, très bien. Voilà, c'était très cool. Franchement j'ai trouvé ça incroyable, le double turn est vraiment bien fait. super bien joué, voilà, c'est bien foutu. Mais est-ce que c'était voulu le double turn? Ah oui, je pense. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas embrayé dessus après quand Del Rio est revenu pour refaire une promo et, Ah non, moi je pense que c'était quand même fait pour que ce soit un double turn dans le match. Parce que la booking team de la VVE, on sait que c'est en ce moment, elle a tout des couilles. Et c'est vachement risqué de faire un double turn. Quoi. Ouais, non, mais là je pense. Hein, parce que on peut pas dire. Mais là, franchement, Ziggler est complètement. Babyface, dans l'attitude qu'il a de pas vouloir arrêter le match, de vouloir continuer. C'est vrai que c'est Cena là pour le coup, hein. Il en prend plein la gueule pendant 20 minutes. Donc ouais, pour moi c'est complètement un double turn. Ouais, c'est pas faux, parce que moi j'aurais dit double turn consommé bien le lendemain, mais sur le moment du show, vraiment j'ai eu un doute. Moi dans le show, j'ai vraiment pris ça comme un double turn. Et la foule aussi hein, d'ailleurs, parce que vraiment dès ouais, mais c'est une foule de smarteux en même temps. Oui, c'était des smarteux, mais voilà, ils ont compris je pense. Et tu sais, dès qu'il est arrivé, Ziggler, il avait une pop. C'est ce qui a été si un peu contre Chris Jericho. Bon match. J'ai aimé, par contre, j'ai regardé le look de CM Punk et je valide les roues flaquettes, les pattes, c'est magnifique. Franchement, je trouve que là, CM Punk. Fan. On dirait un fan. Pardon, j'ai bugué. On dirait un vrai fan. On dirait un gars normal, on dirait plus CM Punk. Ah non, on dirait pas un great fan du coup. J'ai rien fait. Putain, ce rire quoi. Oh, on dirait Thierry Roland quoi. Je rigole un peu comme Dominique Farrugia. Ouais, ou Thierry Roland. Ouais, Thierry Roland, moi je dirais plus. Dominique Farrugia. Donc voilà. The Shield contre Daniel Bryan et Randy Orton, c'était très bien. Voilà. Ouais, comme d'hab avec le Shield. Ils ont réussi quand même à me faire regarder un match dans une équipe, il y a Daniel Bryan et Randy Orton ensemble quoi. Putain, j'avoue que ça doit être ta dream team à toi. Non mais c'est clair, c'est ma shitlist quoi. Le coup. Pour ceux qui ne sauraient pas, Elec est amoureux de Daniel Bryan et de Randy Orton. Ah ouais, j'adore Randy Orton, oh putain. Depuis toujours, hein. Ah ouais, je l'avoue pas mais... Eh les gars, il est 23h11, c'est le moment de faire une onche partie je crois. Non. Faut qu'on aille en Suisse. John Cena contre Ryback, j'ai pas regardé. Qui a vu? Je l'ai regardé d'un œil et je me suis un peu fait yesh. Il est pas nul, mais j'aurais pas mis ça en minimum. Donc voilà, c'était nul. Mais on peut dire que John Cena a fait un dive de la troisième corde, donc ça vaut des couilles. Ouais. J'ai regardé que la fin du match parce que HK76, le 76 encore à l'honneur, en a parlé dans un post en disant que c'était honteux, que l'ambulance pète et tout. Et je sais pas, je trouvais ça marrant. Je trouvais que c'est au moins c'était une version plus originale de. C'est dans l'ambulance que de les faire passer par la porte. J'ai trouvé le poste de HK76 parce qu'il était assez magnifique quand même. Ce forum est d'ailleurs de qualité, moi je vous conseille d'éplucher un peu les postes de HK76. Trouve-le et lis-le nous. Il y a quand même du 76, c'est quand même le département sacré. Voilà, oui. C'est ton numéro de département. C'est la battement au centre. C'est des merdes. Voilà, son HK76 fait que des posts exceptionnels quand il raconte la mort de sa grand-mère pour avoir fait attirer. La mort de sa grand-mère. C'est bizarre. Hein. Et je me suis passé dessus par trop de nazis en même temps. Bon, trouve-nous un post et nie-le-nous. Ah, attends. On va utiliser nos meilleures techniques de meublage entre temps. Là, il parle de cinéma, 10 heures de carrière, bon, c'est de la merde. Je sais plus. Voilà. Moi qui voulais que Ryback gagne son match pour faire fermer la gueule à certains, c'est raté. Dire qu'il n'y a que moi pour le supporter, il perd une façon de bidon. Je vais appeler une ambulance et je vais monter sur le toit avec mon frère. Et on verra si le toit se pète facilement. S'il n'a pas le mérite, il se fait démolir durant tout le double match. Et si tu appliques son finish, l'ambulance match, Ryback n'essaie même pas de se défendre, mais si même cela reste, chaud. Mesdames et messieurs, un mec qui a rien compris au catch. J'ai trouvé assez magnifique ce poste. Donc on va parler de la TNA. Non. Non, j'ai une question à poser avant. Ah, vas-y. Pause. Alors, moi, je voulais savoir, parce que quand même, Ryback, j'avais quand même vu qu'il faisait quand même 8 ans qu'il était dans le circuit. Est-ce qu'il a fait un bon match en 8 ans? Il en a déjà fait. Un match de référence, je veux dire, un match qu'on se souviendra. Son dernier match. On entend rien. C'est pas pour être chiant, mais on t'entend vraiment pas. Et c'est vrai que je monte. Oh, vas-y, parle. Du coup, parle de toi. Je t'entends. Et bah, c'est toi qui as pas d'oreille, c'est tout. Bah, attendez 2 secondes, alors je vais monter peut-être mon son. Peut-être comme ça, je t'entendrai mieux. Voilà, là. Ah, là, on t'entend mieux, ouais. Voilà, alors monte ton son. Voilà, là, alors, on t'entend mieux. Donc, est-ce que. Le son, est-ce qu'il a fait un bon match dans sa carrière? Un match qu'on pourrait dire inoubliable quelque part? Il y en a un qui est inoubliable, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Ouais, il y en a un qui est inoubliable parce que c'est les débuts du Shield. Donc... Non, ouais. J'allais dire celui contre Mark Henry à WrestleMania. Ah ouais, celui-là. Et le Hell in a Cell était bien. Le Hell in a Cell était bien. Il t'a chié. En 8 ans de catch, c'est faible. Il y a le Last Face contre Cena. Vaut mieux ça que pas du tout, hein, regarde Orton. Est-ce qu'on compte... Orton a fait des bons matchs, c'est bon, contre Cena. C'est bon, je troll. Est-ce qu'on compte les matchs de Skip Sheffield? Non. Oui, si, si, si. Il n'y a fait aucun bon match, Skip Sheffield, on s'en branle. Bah non, bah oui, avec les matchs avec, enfin, les segments et trucs avec Nexus, c'était cool. Franchement, c'est pas des matchs. Il avait fait un match avec Daniel Bryan à NXT qui était bien, mais personne s'en souvient et c'est normal. Oui, voilà, ouais. Il a lutté NXT, on s'en fout. Limite. Non, mais c'est impossible de faire un mauvais match avec Daniel Bryan. NXT, c'est trop bien en ce moment. Bon, bref, TNA. Il parle de NXT, je voulais parler de NXT, il te fait rebondir, j'ai fait quelques secondes de Sylvester Lefort. Et je trouve ça quand même exceptionnel. Donc... Oh oui, les promos de Sylvester Lefort, oui, sont... For money. Let's make some money. C'est assez incroyable. Let's make some money. Quand il parle en français avec Dusty Rhodes, tu dis que le mec a 3 ans, il cachait la Wrestling Star, il se met de la merde, il passait à confession intime comme entraîneur de football, il se retrouve à faire des segments avec Dusty Rhodes, quoi, qu'il se fout de sa gueule et tout. Ah ouais, comme quoi quand tu bosses, hein. T'es jaloux, ouais, hein, Siegfried. Ah non, du tout, je trouve ça vraiment cool. Et toi, Romain, qui aimait pas Tom LaRuffa, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas que j'aimais pas, c'est juste que je disais que en fait tout le monde l'aimait parce qu'il était français, quoi. Ce qui est normal, mais. Bah oui. C'est juste que ça aurait été un autre catcheur avec un autre nom qui sera anglais, tout le monde dirait ouais, je trouve rien de spécial, c'est tout. J'ai rien compris, au contraire. Il aurait pas l'air en français. J'ai beaucoup de respect de. C'est quand même un des seuls mecs actuellement qui a une gueule, quoi, je veux dire, c'est. C'est surtout un des seuls français qui vit du catch, rien que ça, quoi. Il y en a genre 4. Mais ça, au pire, on s'en bat les couilles, je veux dire, c'est. Non, parce que déjà, ça montre à quel point le mec il s'est démerdé, quoi. Oui, d'accord, si tu veux. Mais c'est quand même un des seuls mecs qui a une gueule. Les deux mecs dans le segment avec Dusty Rhodes et deux mecs qui étaient avec lui. Mais c'est pour ça qu'ils ont donné la Il ressemble à rien, je suis désolé. Et en plus, c'est genre le. C'est marrant parce que c'est vraiment l'association, mais genre impossible, tu sais. Ouais. Ils ont pris le jet setter de Nice, machin. Et ils l'ont foutu avec deux rednecks, on sait pas pourquoi. T'as l'impression qu'il les a trouvés sur le bord de la route, quoi. Alors, du coup, comme c'est un peu le seul français qui. Est-ce qu'il est au bas? De bas, quelle est la religion de ce Tom LaRuffa? Il est catholique, je crois. Il est catholique, t'es sûr? Ouais, enfin, je sais pas, mais il a plein de chapelets tout le temps, donc. Est-ce qu'il serait pas J-U-I-F? Non, il est chrétien, Attention, attention, on franchit la ligne rouge. Je suis sûr à. La ligne jaune. Je suis sûr à 1000. Si vous le followez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez à 1000% qu'il est chrétien. Donc, je sais pas Il est sioniste, il fait partie de la communauté organisée et dominante. Je sais pas quelle religion, mais il est chrétien. Bref, on s'en fout, parlons de la peine. Attends, j'ai une question à répondre vite fait. Une question à poser avant. Vous qui regardez NXT, est-ce qu'il est over auprès des fans quand même un peu ou pas vraiment? Ah, il est over comme un mec d'NXT, quoi. Est-ce qu'il est over? De toute façon, c'est impossible d'être over à NXT. Hein. C'est ça, quoi, voilà, c'est exactement. Parce qu'en fait, ça. Tu vois, ça s'explique. Parce qu'en fait, le problème de NXT, c'est que. T'écoutes Mylas, Paige est tout le temps over. Oui, mais c'est Mylas. Alors, non, mais il y a un truc que tu. D'un côté, il a raison. Il y a un truc que tu dois savoir, c'est que NXT, comme il a dit Nelson, les gens sont pas tellement over. Les seuls gens qui font vraiment réagir à mort, un minimum, c'est les meufs. Mais même le problème, c'est qu'en fait, le problème. Bah, parce que déjà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. NXT, ils sont dans une université, déjà. Ouais. Donc, c'est clair que les meufs, les girls gone wild, ça va faire popper. C'est clair. Et le problème, c'est aussi que les mecs enregistrent, chaque fois, ils enregistrent 4 ou 5 shows à la suite. Donc, un mec qui peut être très over dans le premier show, dans le dernier, la foule en peut plus, elle veut rentrer chez elle, donc. Putain, il y a un feu d'artifice. Elle est fatiguée, donc elle pop plus autant, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, c'est vrai qu'en plus, les meufs sont souvent over, tu vois, Paige est over, bon, elle pourrait être over partout, ce qui est génial, mais Summerray, elle est over, Emma, elle est over, en fait, c'est surtout les meufs, j'ai remarqué, qui sont over. Donc, Fatman, ouvre le Wikipédia de Slammiversary, puisque je vais te laisser en parler, puisque tu l'as vu. Il faut 20 000 $ par année pour étudier à Full Sail University. Est-ce que tu l'as vu, Fatman, toi, en fait? Slammiversary? Ouais. Bien sûr que oui, je l'ai vu. Ah, donc justement, ouvre. L'anniversaire. Il y a des pauvres! Ouvre le Wikipédia et tu vas faire un review. Le topic de Niarno, c'est mieux, non? Le topic de Niarno, ouais. Ou ce que tu veux, mais tu vas diriger. Alors, attendez. Tu vas diriger l'interview, Fatman. Pour une fois. Hey, Jack! Something, brother! You're in bottom, Jack! Tu vas te calmer tout de suite. You might have forgot where you're at, brother! You're in Boston, Jack! Bon, bref, Fatman. Ok, alors. Alors, Fatman commence. Non mais Zig va mourir quoi. Il va mourir en direct. Fatman commence. Alors donc image de la main en PQ là. Sabine qui pige rien. Alors donc, le show s'est ouvert avec la Boston qui s'est ouvert avec un Ultimate X entre Chris et Sabine, Suicide et Kenny King avec une victoire de Sabine. Et bah écoute Siegfried, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? Je trouvais que c'est un bon opener, bien foutu, je trouvais Suicide assez cool, d'habitude j'aime pas trop. Voilà, j'ai revu que c'est T.J. Perkins derrière, je sais pas. Ouais, c'est T.J. Perkins. Je trouvais que les mouvements que c'est Suicide collaient bien au nom, il partait un peu dans tous les sens à faire n'importe quoi. Kenny King, on s'en prend, mais c'est pas plus grave, et Chris Sabine, il gagne. C'était cool, quoi, franchement. C'est un bon match, un bon opener. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, mais voilà, rien de spécial. Mais... Je l'ai pas vu, mais T.J. Perkins qui a chargé génial, tout en passant. Mais voilà. Donc, il colle pas une gimmick de merde. Donc, ce qui était vraiment cool. C'est le segment juste après. Ça a été incroyable. Donc, c'est bon que je vais chercher à bouffer. Fatman, raconte-nous la suite. Non, mais il faudrait un podcast entier, quoi. Parce que, en fait, ce qu'on a eu, c'était vraiment l'alpha et l'oméga de Gann, quoi, pour ce segment. C'est-à-dire que, là, je vous renvoie à ceux qui n'ont pas lu le topic qu'on a fait avec Zig, qui s'appelle un instantané de Gann. Jack. Qui résume, en fait, le côté complètement absurde. Déjà, il faut savoir, si vous n'avez pas remarqué, qu'une fois que Sabine redescend des cordes, hein, il fait tomber sa ceinture sur la tête. Donc déjà, il s'ouvre le crâne avec la ceinture. Et là, on rentre dans une nouvelle dimension, là, franchement. Attends, s'est passé quelque chose. Ah non, moi, j'ai pas vu le match, mais en fait, s'il pisse le sang, Sabine, à la fin, c'est à cause de ça. Oui, parce qu'il se fait tomber la ceinture sur le crâne. Putain de merde, quoi. Et après, donc, il revient à vestiaire, et là, t'as la musique d'Hogan qui démarre. Boum, NWO, et là, t'as Hogan qui débarque. Truc incroyable. Donc, Justine, il tire une gueule, du genre, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait la vie avec ce moment. Parler de Dre the Giant. Il a botté la mer en vrai des géants, putain. Il en revient encore à là, quoi. By the way. Il paraît que Hogan était complètement drogué à cause à cause des médicaments à cause de sa main, parce que vous avez vu le radiateur qui a cru dans sa main. Ouais. Donc il était complètement drogué aux antidouleurs apparemment. Ce serait pas impossible, il était sacrément dans son monde. Donc c'est ça qui l'a fait un peu délirer. Les quatre footeurs qui n'auront pas été de service pendant la nuit viendront rendre visite aux amis et amèneront chacun avec eux un petit garçon. Ils passeront successivement d'une chambre à l'autre. Cartman, merci tais-toi. Voilà. Il a marqué son sad. Continue Fatman. Je sais plus. En fait, je suis en train de regarder le truc en même temps que je parle, et c'est vrai que Hogan, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il avait un bandage autour de sa main. On avait vraiment l'impression qu'il avait mis deux rouleaux de papier cul autour. le Yeti à la WCW, là. Genre, après, il va aller aux chiottes, quoi. Et, c'est, voilà, et la suite est assez exceptionnelle quand il est sur le ring et tout. Alors là, on continue dans le grand n'importe quoi. Avec Hogan qui annonce un match qui annonce que. Surprise, alors, était prévu. Ouais, il annonce un match comme c'était une surprise alors qu'il avait été annoncé à l'impact avant. Même Jericho The Best 2 connaissait le match, quoi. Donc, il avait un peu dans le topic, c'est dire du niveau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une remarque d'Hogan qui sort de nulle part. Oui. Et vous le faire écouter parce que c'est quand même assez incroyable. You know, Gary, you just need to shut the hell up. I just might fish slap your ass. Oh, folks are fired up tonight, I love it. You're a bitch and your old man's a bitch, okay? Pourquoi? Garrett, ils sont trois dans le ring, et là t'as Garrett qui ose même pas lever la main sur Hogan, et t'as Anderson qui l'empêche quand même, alors qu'il n'oserait même pas rien faire. C'est incroyable, ce segment est magnifique. Ouais, et donc on embraye effectivement sur un match donc, que tout le monde savait, mais c'est la grande surprise. Donc avec le catcher plus dégueulasse, mais qui apparemment est bon pour tout le monde, à savoir Magnus. Qui arrive en avance. Le gros Samoa Joe. Voilà, encore plus gros. Extreme Creature of the Night, mes couilles, drogue. Hulk Hogan l'a appelé. Dit énigmatique, énigma. j'avais pas fait gaffe. Hulk Hogan l'a appelé comme ça. Il est exceptionnel, franchement. Contre Anderson, le dégueulasse aussi Wes Briscoe et Garrett Bischoff. Le gros match équilibré, quoi. Franchement, Garrett Bischoff s'est amélioré un truc de ouf. Il est cool. Au moins, il prend le big bump à chaque fois sur la rampe, là. Oui, il est sympa, franchement. J'ai pas trop de grief contre lui. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Fatman? Je m'en souviens même plus, pour être honnête. Moi, je pense que c'était un super match. Hein. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, quoi. J'ai pas trouvé ça plus. Ouais, c'était un match ok, quoi. Voilà, c'est un petit. Ça aurait dû être un match à l'improviste, justement. Donc, ouais, continue. C'est vrai que construire. Je suis en train de regarder. En fait, faut expliquer que sur Skype, il y a. On est en train de balancer des photos de stage. Et... Alors, on ne sont pas des photos qu'il faudrait pas regarder. Hans Müller. Alors, vas-y, Fatman, continue. Et donc, la suite, c'était. Ça, contre, par contre, un jeu, vous direz chacun un chiffre entre 1 et 17 et je vous. Le correspond. 15, je fais 15. Entre Jay Bradley. Non, mais après, on fera après. Jay Bradley et Sam Shaw. Oh putain. La... Non, c'était trop court pour être une purge. Oh, ça, je peux regarder ça. Mais c'était vraiment direct quand même. Non, c'est un match, on s'en fout. Ça devait être un impact, quoi. Voilà. Mais le public, on en avait franchement rien à branler. Bah, oui, c'était un bon public. C'était un bon public, mais pour ce match, ils ont fait d'un an. En même temps, il n'y avait pas quand même, franchement, il n'y avait pas beaucoup de star power, hein, excusez-moi, mais... Non, mais franchement, j'en peux pas. Sam Shaw, c'est pas acceptable. Le mec en pay-per-view, il catch en short et en basket. Il faut que Nelson s'inscrive au TNA Gotcheck. Voilà. Il n'y a que... Attends, s'il te plaît, il catch comment, Brock Lesnar? Non, mais au moins, il a des shorts de sport, enfin de... D'accord, autant... Donc, il est vraiment en short de ville, quoi, en fait. Ouais. Ah, ok, d'accord, ok. Le seul qui marche... Enfin, là, Cena est comme ça. Mais voilà, c'est Cena, c'est sa gimmick. Sam Shaw, il a pas de gimmick. C'est juste un mec qui est en short et en basket. Ça se trouve, il a eu un problème de lessive. Non, ça se trouve, c'était pas sec. Il est toujours comme ça. Ah, d'accord. Je trouve qu'il méritait pas d'être comme ça, dans Gutcheck et tout ça. Moi, j'aurais plus vu une lutteuse genre Shana ou un truc comme ça. D'ailleurs, le Shana, Joe Ananas. D'ailleurs, le Gutcheck Challenge, Shana arrive en 3ème. Shana Tova, oui. Et le Gutcheck a été remporté par Bad Bones, naturellement. Ouais, c'est un tricheur. Ouais, apparemment, il a triché, ouais. Donc, du coup, entre Shana qui a eu des soupçons de racolage, entre guillemets, et Bad Bones qui a soi-disant triché, en fait, c'est qui au final les deux? Je sais qu'il y a Facade qui a fini 4ème. Non, c'est Bad Bones qui a gagné. Non, je sais, mais si on enlève Bad Bones, c'est Shana. Mercier Army dans la gueule. Hein? Quoi? Shana, Marc Mercier Army dans la gueule. Oh putain. Si on enlève Shana et Bad Bones. Le truc de Marc Mercier avec Shana, c'était énorme. Marc Mercier. Si t'enlèves Bad Bones et Shana, c'est qui les trois premiers? Je sais pas. Je vais aller voir ça maintenant. Alors attends. Meuble, Fatman. Et donc, la suite, c'était le match pour le championnat de la télévision. Avec Devon contre Joseph avec Park. Ce titre, il n'y a pas plus inutile que ce titre. Mais Joseph Park ne sait pas. Si, il y a le tag team féminin. Non, dans toutes les promotions du monde. Parce que justement, ils l'ont rendu vacant à Impact, donc voilà, maintenant ils vont en faire quelque chose. Dans toutes les promotions du monde, le titre qui sert à rien, c'est le titre télé. Donc voilà, résultat du Gutcheck Challenge. Donc, info. Et donc Joseph Park. Donc attends deux secondes. Alors, premier du Gutcheck Challenge, Bad Boots. Deuxième, Shana. Troisième, Dab Savage, je connais. Quatrième, Facade. Oui. Cinquième, Punjabi Prince, Johnny Gill, je connais pas. Je connais pas. Sixième, The Big O, donc le pote de Zack Ryder. Hein. C'est vrai? Ouais. Et il était cool, The Big O, il était marrant. Septième, Lufisto. Ouais. Sixième, Chance Prophet. Je connais pas. Neuvième. Ah, je crois que je connais James Prophet, il était pas d'une fédération canadienne à la con avec Scott Steiner. Possible, oui. C'est pas noir, il devait être. Je sais pas, j'ai pas cliqué sur la photo. Non, West Virginia, et il a l'air d'être... Ouais, je sais pas s'il est noir ou pas, mais enfin bref. Neuvième, AJ Kirch. AJ Kirch, c'est le mec de Tough Enough, vous vous souvenez de... Non. Oh putain. Ouais. Vous vous souvenez de AJ Tough Enough, bah c'est lui, 9ème AJ Kirch. Ok. Dixième, il y en a 16. Dixième, Jake... On voulait que les 5 premiers, mec. Mais c'est pas grave, je vais tous les dire. Dixième, Jake Durden. Je connais pas. Onzième, Cocorico, Dimitri Rostos-Zeltopoulos. Ouais. Super. Douzième, Barry Wright. No name. Barry Wright. Et pas Wright. R-Y-T-E. Treizième, Sean Schultz. Ah, on fait bien un truc, ça. Quatrième, Juan quelque chose. J'arrive pas à lire parce que ce truc... Juan Martinez. Putain, c'est un bug, cette merde. Oh, bon, j'arrive pas à lire. Bon, bref, il y en a des autres, mais j'ai oublié. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, Devon contre Joseph Park, qui, comme son nom l'indique, n'est pas coréen, qui ne s'est pas présenté parce qu'il a été battu par Décompte à l'extérieur. À quoi faire Devon a décidé de de challenger Abyss, qui déboule et qui bat Devon et qui remporte le championnat. Non, ça c'est ridicule, franchement. C'est ridicule, ça. C'est marrant, c'était cool. Il n'a pas défié Abyss. Il lui a dit, si Abyss était là, je le défoncerais. Ouais, bah, comme par hasard, Abyss est là. Ensuite, on a une séquence... Non, attends. Enfin, est-ce que tu es d'accord pour dire que le titre TV est le titre le plus inutile du monde? Ouais. Il est franchement... Mais paradoxalement, je trouve qu'il a limite plus de valeur que le titre intercontinental. Au moins, le titre intercontinental est défendu. Ouais. Le titre TV aussi. Devon, il a eu le titre TV pendant 6 mois sans le défendre. C'est pas faux. On va vérifier ça. Il le défendait contre Robbie E à Lockdown en cage match quand même. C'était il y a un an. Oui, mais il le défendait quand même. C'est mettre un effort sur le titre. Voilà. Un cage match entre Robbie E et Devon. Faut vouloir, quoi. Bon, bref, continuez. Et donc, la séquence suivante, c'était une séquence émotion, une séquence Kleenex, parce que c'était Kurt Angle qui a encore pleuré, comme à peu près chaque semaine, parce qu'il était intronisé au Hall of Fame de la TNA. Voilà, avec tout le monde qui l'a applaudi. Je sais pas si vous avez noté d'ailleurs qu'il y avait AJ Styles qui jouait son rôle jusqu'au bout et qui était caché derrière en fait. Et qui s'est barré quand il a appelé Kurt Angle et était intronisé. J'ai cru qu'il n'était pas là, moi, justement, AJ Styles. Si, il est juste derrière en fait. Non, je l'ai pas vu. Il est au de l'entrée, donc voilà, donc il chiale, tu vois, avec son t-shirt Save Wrestling 2020, machin, et tout. Donc voilà. Ok, Kurt Angle mérite d'être dans un Hall of Fame. Mais franchement, putain, ils attendent quoi pour introniser Jeff Jarrett, quoi? Ils s'en foutent. Parce que s'il va être intronisé, tout le monde dira c'est un connard, il s'auto-push et voilà. Non, franchement, putain, on peut dire ce qu'on veut. Jeff Jarrett, c'est celui-là qui mérite le plus. C'est lui qui a créé la Fed, merde. Pierre, quel est ton avis? Bonjour. Voilà. D'accord, voilà, c'était Pierre. Okay. En fait, j'écoutais pas, vous disiez quoi? Qu'est-ce que tu penses de Kurt Angle étant intronisé au Hall of Pain de la TNA? Hall of Pain, attention. Il a quand même beaucoup fait pour la fédération, j'ai quand même l'impression. C'est quoi la polémique? Voilà. C'est parce qu'il est intronisé avant Jeff Jarrett, c'est ça? Exactement. Bah, Jeff Jarrett, il n'y a pas une histoire comme quoi il est un peu en froid avec les dirigeants ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est ça, mais c'est quand même lui qui a fait. Bah, c'est le business quoi, bah oui, c'est évidemment, mais c'est le business, ils sont en froid, ils vont pas l'introniser. C'est putain, mais la polémique, c'est déjà de faire un Hall of Fame pour une promotion qui a à peine 10 ans quoi. Bah voilà, au moins ils ont attendu 10 ans, ils n'ont pas fait ça. Mais c'est un peu con. C'est un peu con. La CZW a un Hall of Fame et elle a 13 ans. Est-ce que c'est quoi? Attends, c'est quoi la polémique? C'est que tu fais un Hall of Fame quand tu as 10 ans ou que tu mets Coco Beware dans ton Hall of Fame? Non, quand tu mets Fred Perry. Pareil, sinon ça marche pareil. C'est pas faux. Hein. Mais franchement, je m'en fous qu'il y ait Coco Beware, qu'il y ait Pete Rose, ou n'importe quelle merde dans le Hall of Fame. Putain, Pete c'est Rose, du catch. C'est comment dire, c'est du catch. Il y a des mecs qui sont apparus une fois, faut arrêter. Et alors? Non, oui, non. Je t'interpelle, tu es en train de dire que l'intronisation de Drew Carey est légitime. Voilà, celle-ci, franchement, elle n'est rien à pas légitime. Du carré, franchement, il a paru une fois. Ouais, il a paru. Voilà, je m'en fous, quoi. Comme Benoît. Putain, mais c'est qu'un Hall of Fame de catch, quoi. En quoi ça sert? Et bah alors, pourquoi vous foutez une polémique avec le Hall of Fame de la TNA, putain? Mais j'ai pas de polémique dessus, je m'en branle tout autant. Mais t'es en train de... Christian York, j'en ai rien à cirer, quoi. Tu es réaliste. T'es en train de... Il peut foutre John Cena au Hall of Fame de la TNA, j'en aurais rien à foutre, quoi. C'est incroyable. La continue après ça. C'est incroyable. Allez, Fatman, continue. Trois de dire des choses comme ça. Ta gueule, man. Après on va mettre tout le monde d'accord, une superbe interview de Bad Influence. Oui, a été exceptionnel. Oh oui. Tu vas pouvoir nous en dire un mot. Je me souviens surtout de Christopher Daniels qui regarde sa montre. Il n'a pas de montre. La montre mérite d'être au Hall of Fame. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. C'est super marrant parce qu'il y a Cass qui parle et il y a Daniel qui des grimaces comme pas possible. Oh oui, putain. Il tire des gueules, mais c'est incroyable. Bad Influence sont géniaux. Meilleure équipe du monde. Incroyable. Ok, continue. Et ensuite, donc, World Tag Team Championship avec James Storm et Mr. Intensity Gunner contre les incroyables Guerrero et Hernandez. Oh putain. Contre Bad Influence et contre Austin Aries et Bobby Roode. C'était un bon match. Bon match. Ouais, c'était assez dur. Comment? Oui. Putain, c'était si Kebler, elle a refait des photos. Donc voilà, on a tous bugué parce qu'on est tous regardé du porno là. Enfin, D'accord. Pierre, quel est ton avis sur le match? Quel match? Voilà. Okay. Je suis désolé, mais je regarde pas la TNA, j'aime pas. Bah ouais, je c'est ton avis sur le match, tu peux donner un avis sans avoir regardé le match. Et ben un match, alors un match plein d'intensité, avec un storytelling assez important, c'est bien mené, il y a eu des contres et tout ça, bah, franchement c'était cool. Je suis d'accord. Voilà, allez continue. C'était bien bouclé quand même, c'est pas facile de, comment dire, que tout le monde s'en sorte bien, et l'histoire de la disqualification, c'était pense, je crois, tout en éliminant après les Mexicains. C'était pas trop mal foutu. Daniel s'est fait éliminer en utilisant la ceinture sur Chavo. Par contre, c'est, voilà. Vraiment, par contre, c'est vraiment n'importe quoi quand même de faire gagner Gunner machin. Non, c'est cool. Et c'est non, mais c'est n'importe quoi parce que, pour ceux qui n'ont pas vu, au impact, je crois un impact ou deux impacts après, ils perdent contre Kane Daniels pour le Bound for Glory Series. Là. Alors, c'est pas parce que t'es champion que t'es invincible non plus, quoi. Oui, je sais, mais voilà. Quitte à les faire, ils auraient pu faire qualifier. Ils auraient pu faire qualifier Daniels et Kaz par quelqu'un d'autre. Ils sont déjà qualifiés, Kaz et Daniels, au... Justement, mais ils sont qualifiés en battant Gunner et... Où est le souci ? En quoi c'est gênant ? Bah, en quoi les champions doivent être invincibles ? J'ai pas dit ça ! Si, tu l'as dit. Bah, alors, ils peuvent perdre, on s'en fout. Oui, mais voilà, ils auraient dû le faire qualifier pour face à quelqu'un d'autre, à mon avis. Mais non, tu réponds pas en quoi ils auraient pas dû perdre. Ok, désolé, moi je comprends. D'accord, pardon, je m'excuse. Allez. Putain, le réac, quoi. Allez, pas de mal, quoi. Ah oui, je vais juste dire un truc. Je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve que le torture rack, qui est la prise de finition de le gun, le ils appellent comment ça, le gun, le Lex Luger. Ouais, exactement. Oui, je trouve que ça marche, mais plus du tout aujourd'hui. Enfin, en 2013, je trouve que ça fait hyper vieux jeu. Enfin, c'est. Et personne n'y croit. C'est ridicule quand même comme prise. Personne n'y croit. Avec Lex Luger, ça marchait parce que quel mec était baraqué, nanana, etc. Bon, d'ailleurs, c'est n'importe. D'ailleurs, c'est cool parce que. C'est une des prises qui a l'air là, qui est entre guillemets la moins crédible, alors que c'est là vraiment une prise qui fait mal en vrai. C'est comme le hard punch. Franchement, je sais pas si vous avez déjà été sur les épaules d'un mec qui est en train de sautiller, ça fait mal. Non, désolé. C'était pas trop mon trip, je suis désolé. Ah, je crois qu'une fois, mais après j'ai eu mal au cul. C'était chez Alcest. C'était chez TGF et Alcest, c'est tout à fait ça. J'avais TGF sur les épaules. J'arrivais pas à sautiller. Et depuis, t'as mal au dos. Et depuis, j'ai tellement mal au dos, je suis assez, j'ai une chaise roulante. Vous allez pas faire du catch, TGF ? Si, dans son école, il y avait du catch, apparemment. Attendez. Alors là, je vais sortir le Ask FM de TGF. Vous allez voir. Oh mon dieu, il a un Ask FM. Non, il en a un ? Oui. Oh, et donc, merde. J'avais demandé quel était son plat préféré, est-ce qu'il m'a répondu ? Un sport que tu pratiquais, répondu rugby et catch XD. Il a apparemment vraiment fait du catch. On va dire que je suis un costaud. Bon, bref, continue, Fatman. Est-ce que tu baises ? Calme-toi, veux-tu ? Aimes-tu les biscuits ? Si oui, manges-tu des biscuits ? Si oui, avec quelle boisson ? Si oui, bah voilà, je suis gourmand et possiblement gourmet. Tu les arabes à rien, t'es juste des personnes. Bon voilà, continue, Fatman. Alors les deux sont bien. À ma vie, peut-on gagner une partie de jeu de la biscotte contre un éjaculateur précoce ? Ça ne me concerne pas. T'aimes le sexe, t'es puceau. Ceci est personnel. Ou Pampers, j'aime pas les deux ou pas. Oh putain, à quand des vidéos de catch ? Bientôt, 3 petits points. Peut-être, 3 petits points. Vous verrez. Il y en a fait en plus, oui. Oh putain. Il y en a fait deux. Sourire comme ça, t'as. Je veux voir des matchs de TGF, moi. Putain. Je veux voir qu'est TGF. Putain, si TGF fait vraiment du catch, je te jure, je vais en France par mes propres moyens pour avoir un booking face à TGF. Non, vous faites le King of Trios avec Elec. Oh putain, oui. Ah non, je comprends pas dans mon équipe. Hein. Flagrant délit de maltraitance de langue française. Si tu devais choisir entre un rencard avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, qui choisirais-tu pourquoi ? Personnellement, si je voudrais rencontrer une personnalité politique, ce serait François Bayrou et entre les trois, ce sera notre président actuel François Hollande. Bref, on s'en branle. Vas-y. C'est scandaleux. On reviendra à TGF plus tard et continue avec le Big Review. Et on continue avec le meilleur match du show et possiblement le meilleur match de la décennie qui était. Le last knockout standing match entre Taryn et Gail Kim. Je vais dire quelque chose maintenant devant tout le monde. Je vais avoir ça devant nos auditeurs. Oui. J'ai regardé ce pay-per-view en direct. Et quand ce match est apparu, je me suis dit, ça va être de la merde. Alors je suis allé regarder des trucs sur sur la storyline de la Chikara. Du porno. J'ai regardé des trucs sur la storyline de la Chikara et j'ai pas regardé le match. J'ai regardé que la fin et j'ai trouvé la fin géniale. Est-ce que tout le match était comme ça? Ouais, oui. Franchement, tout le match était bon. Y a pas à dire, quoi. Donc t'es vraiment qu'un enculé, Nelson, c'est tout, voilà, t'as des goûts de merde, tu préfères regarder Velvet Sky, t'es qu'un gros PD, tu fermes ta gueule. Gail Kim contre Taryn Terrell, c'est 100 fois mieux, puis voilà, donc tu fermes ta gueule. Siegfried, que penses-tu de Gail Kim? Elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle est bien foutue, en plus, puis elle catche bien. Ça de visage. Non, elle est bien, et en plus, elle a pas un pet de graisse, j'ai remarqué ça, elle a quasiment 40 ans, et elle a pas un pet de graisse, c'est quand même assez choquant. Qu'elle avait une vidéo d'entrée à Good Lover où c'était juste des plans sur son cul tout le long. Oui, elle est magnifique la vidéo d'entrée parce qu'elle fait de la gym et tout. Putain, c'est... Elle faisait de la musculation là et on voyait que des plans sur son cul. Ah putain, c'est bien ça. Elec. Hein? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Elec? Ah, voilà. Désolé, je suis en train de manger en même temps. Bah, continue. C'est vrai que le finish était quand même bien foutu, quoi. Le sort de RKO. Le finish, c'est un bulldog de la rampe par terre, c'est ça? C'est pas une sorte de cutter? Ouais, je sais pas si c'était un bulldog ou si c'est un RKO ou quoi que ce soit. Non, c'était un bulldog, il me semble. Mmh. Ouais. C'était bien. Et avec la chaise et tout, dans le match, c'est vraiment bon. Gail Kim, quoi, voilà. Je suis désolé, mais tu regardes la liste des meilleurs matchs féminins en mainstream WWE TNA depuis environ 10 ans. La moitié du temps, t'as Gail Kim, quoi. T'as Gail Kim contre Somme Kong. Ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. Là, notamment le merveilleux match contre Mickey James qui est absolument génial. Oh, putain. Pour regarder. Ils ont fait match. Mais ils ont fait des remakes à la TNA, c'est bien meilleur. Oui, mais... Ah, mais j'imagine qu'ils sont meilleurs, putain. Mais celui, à un moment, ils étaient bourrés, je pense. Bah, le truc, non, c'est que Gail Kim, à un moment, elle fait un crossbody, elle tombe sur la tête à moitié, et elle se retrouve groggy pour la fin du match, quoi. Donc c'est Mickie James qui doit faire le match toute seule. Impossible, ouais, parce que... Parce qu'elles ont l'air bourrées dans ce match, hein, c'est hallucinant. Ouais. Elle botch absolument tout. C'est Mickie James qui se retrouve comme ça pour un match, à la fin du match, hein. Mmh. Ça me rappelle bizarre, parce que comme elle a sauté, il y a Gail Kim qui s'est retrouvée perpendiculaire à elle. Mais elles ont réussi à pas botcher le truc, donc c'était pas dégueulasse. Donc vas-y, continue, Fanman. Ensuite, il y avait Kurt Angle contre AJ Styles. Rien à dire. Je tiens à dire que pour ouvrir ce podcast, donc si vous connaissez pas la musique qui a ouvert ce podcast, c'est le nouveau thème de AJ Styles. Voilà. Continue. Donc, on peut noter au niveau des petites anecdotes que AJ Styles a inauguré l'utilisation d'un Marcel dans le match. Il y a des nouveaux gants, c'est pas mal, c'est grand d'ailleurs. Jules P va bientôt nous faire un topic dessus, à tous les coups. Ouais, il les a toujours eu, ces gants. Ouais, sinon, ouais. Le match, j'ai regardé rapidement, mais j'ai l'impression d'avoir vu AJ Styles contre Kurt Angle, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu mais 50 000. Ah, il y en a vraiment eu 50 000. Même au Japon, même à New Japan, il y en a eu. Là, j'ai essayé de regarder sur... je sais pas, sur CageMatch, est-ce qu'on peut voir comme ça le nombre de matchs qu'il y a Oui, on peut. Attends, je vais chercher. Meuble, pendant que je cherche. C'est une statistique intéressante. Meuble, pendant que je cherche. Putain. Alors, meuble. Parle de la des conspirations sionistes. Table, commode, on peut faire mon petit jeu. Allez, je tire un chiffre entre 1 et 15. 14. Donc, 14. 16. Attends, Siegfried d'abord. 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, tu gagnes le TGF LOL. Vas-y, le lien. J'ai rien compris, n'est-ce pas? Ta-da-da. Le lien. TGF LOL. Alors, attends, Workers. Le lien. Ce sera le nouveau titan tronde. Bon, je vais poster. Le titan tronde. Oui, qu'on va mettre voilà. AJ Styles. Et toi, tu gagnes ce montage. Après, c'est Elec. Elec, tu choisis un chiffre entre 1 et 15. 13. Ah, c'est celui juste avant, du coup. Ah oui. Donc, en gros, pour ceux qui ne voyaient pas, il a envoyé des images de TGF en Asie. Voilà. Pendant que tu m'envoies. Voilà, j'y suis bientôt. Donc, allez, match. Oui, allez, Nelson. Match, on clique sur le plus là. Oui, parce que je suis sur Cage Match. Donc on clique sur le plus. Ensuite, on va dans Worker. Et on écrit Kurt. Angle. Ensuite on met submit. Ah putain! Et voilà. Donc tous les matchs. Merde, putain les donc, mecs. Fatman, ça doit choisir un numéro. Donc ça c'est putain, tout mélangé. Hein. Merde, donc ça c'est tout mélangé. Tout mélangé donc les matchs à la télé, les matchs en pay-per-view, les matchs en show. Et ensuite toutes les combinaisons donc tous les matchs avec AJ Styles et Kurt Angle en équipe, avec AJ Styles et Kurt Angle l'un contre l'autre, bref. Oh putain, il faut que je vous raconte quelque chose d'incroyable. En tout, AJ Styles et Kurt Angle ont été sur le ring, devinez. 25 fois. Beaucoup plus. 83 fois. 97 fois. Putain. Mais attends, en match 1 contre 1 ou tu vois non, en tout. Ah putain. Donc en équipe, on a contrat, en freeway, en... Nelson choisit un numéro entre 1 et 15. Oh putain, les immondes quoi. 13. Mais il est déjà choisi. Ouais, et donc en fait, on vient de voir un montage de TGF en la boule de Fort Boyard, et ça me fait penser que l'été dernier, c'était un Intermarché en Charente-Maritime. Il y avait la boule et Passe-Temps qui étaient en dédicace. Génial. Du coup, je suis allé. Oui, je sais, c'est moi aussi, je l'ai vu quand j'étais petit. J'ai une photo avec la boule. Et j'ai demandé de prendre une photo avec la boule. Le mec a dit uniquement si tu m'achètes mon Pinot. Pourquoi ? Oui, le Pinot défend, mais je sais pas. Que... J'ai pas appris sa photo et qu'il aille se faire enculer. En fait, si tu veux. Je te le dis comme ça, mais j'ai des contacts dans la genre. Vous saviez que la boule était un catcheur ? Là, comme Passepartout d'ailleurs. Passepartout est un catcheur et la boule est un catcheur. Les deux à la Wrestling Stars. Alors d'ailleurs, si vous êtes fan d'émissions débiles, il y a que ça en France. Il y a une émission qui s'appelle Striptease qui est spécialisée dans les plateaux. C'est pas débile. C'est pas le truc avec Flash Gordon avec Passepartout. Et si, alors et voilà, et on voit Passepartout dedans. C'est incroyable. Le truc avec Flash Gordon, c'est le meilleur reportage que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est incroyable. C'est comme les émissions de chasse la nuit quoi. Tu restes devant, tellement c'est bizarre. Quand ils sont dans la voiture et qu'ils se font dépasser par une meuf. Ah putain! Non, qui font, oh. Ah la salope! Ah je jaune! C'est quoi, je vais le revoir? C'est quoi, je vais le revoir maintenant? C'est incroyable! Et en plus, tu peux pas dire que Striptease est une émission débile. C'est une émission qui filme des cassos. Voilà, il y a une différence. Et en plus, la meuf, en fait, elle avait genre une Mercedes. Et vous avez Flash Gordon qui dit genre. Oh putain, celle-là, elle doit se faire baiser à mort, hein. Ouais, non, c'est du grand théoricien, hein. Faut qu'on lui paye une Mercedes, alors le mec, il doit vraiment être bon à baiser, hein. Les mecs, je crois que j'ai une veine qui vient de péter dans mon cou, c'est affreux. Ouais, mais c'est pas grave, mets du scotch, ça ira. Je vais mourir en direct, les gars. Tant pis. Mais c'est bien, ça fera des vues, on est donné. Et donc, le main event, c'était Bully Ray contre Sting. Voilà. Un match OK+. Et donc, voilà, je veux dire un truc complètement con. Oui. Mais c'est que... Bully Ray fait la promo, il dit je vais te porter un pile driver, c'est la prise la plus dangereuse du monde, blablabla. Et qu'est-ce qui se passe? En plein milieu du match, il met le pile driver comme si rien n'était, comme ça. Non, il le fait en enlevant le truc du ring. Non, mais d'abord il l'a fait sans le truc du ring, justement. Oui, bah, s'en fout, c'est pas grave, c'est du catch. Mais les deux fois, le catch s'est dégagé comme si rien n'était, enfin bref. Il va pas réfléchir pendant 350 minutes. Est-ce que je fais le pile driver et non. C'est un peu son job quand même. Pas pour ça, ça doit être ridicule, bordel. Pour moi, ça aurait dû être le finish, le pile driver. Bon, je t'entends moins bien, Pierre, là, donc. Ouais, non, t'entends vraiment pas bien. On dirait que t'es sur la route, là, quoi. Je suis justement sur la route, jusqu'à Rouen. Tu vas rendre visite à TGF. Le match était plutôt bon, voilà, quoi. C'était overbooké dans tous les sens, mais c'est cool. Sting qui fout des loblots à tous les échinanais, c'est marrant. Je pensais même que Sting allait gagner au bout d'un moment, parce qu'ils en prenaient tellement plein la gueule que... Il faut qu'il prenne sa retraite, Sting, là, ça devient vraiment chiant, là. Ouais. Surtout le nouveau, spoiler donc, mais le nouveau truc qu'il a commencé avec les new Main Event Mafia, c'est des... Main Event Mafia. Exceptionnel. Oh, Kurt Angle en costard et tout. Et j'ai marqué. grosse idée. C'est faire du neuf avec du vieux, avec les vieux, avec les mêmes. Non, mais là, c'est n'importe quoi parce que ça peut marcher. Excellent. Ça. Les new Main Event Mafia, mais les deux premiers membres, c'est les mêmes membres que les anciens. La TNA. Ah, oui. La TNA l'appelle encore la Main Event Mafia. Tu regardes sur le site internet de la TNA, ils parlent de la Sting Rebels de Main Event Mafia. Mais c'est pas vraiment la nouvelle Main Event Mafia, c'est encore la Main Event Mafia. Ouais, voilà. Et sur ton gueule, et je sais pas, ils sont qui sur ton gueule, Samoa Joe, sans personne regarde la TNA, donc on peut le dire. C'est une bonne idée, ça, de la gueule, surtout Samoa Joe. Mais quand on gueule en costard et tout, non. Au moment, trop bonne idée. Donc voilà, Fatman. Merci d'être. Le match, non, mais comme j'ai dit, le match était cool. Après, j'ai pas regardé les impacts là, de cette semaine, parce que là, comme j'ai pas trop le temps, puis surtout, j'ai complètement oublié, mais je dois avouer que je suis pas hyper objectif avec la TNA, en fait, même s'ils faisaient de la merde, ça me ferait trop triper, donc voilà. Alors, maintenant... Let me tell you something, brother! On va pas rentrer en détail. Jack. Mais Fabien. On va pas rentrer en détail, mais Tournament of Death. The Great Jack. Match préféré, catcheur préféré, jeu en catcheur préféré dans le tournoi, match préféré dans le tournoi, et le show lui-même, qu'est-ce que t'en as pensé en tout? Bon là ça va être chiant les gars, je vous préviens. Ouais, on va regarder les auditeurs couper, avancer de 20 minutes, parce que ça va être chiant. Dépêche-toi Batman, vas-y. Non mais en fait le truc c'est que j'ai pas fini le main event de... Donc du coup allez-y parler, je vais essayer de regarder rapidement. Donnez-moi 2 minutes montre en main. Et j'essaie de regarder rapidement la fin du match. Donc, et je vous dis Donc meilleur moment du tournoi. La faute de Fidler quoi. Oui. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est en fait il y avait un match qui était un fan brings the weapons. Donc les fans amènent les armes. Et un mec a amené dans une photo géante photoshopée d'un mec à poil avec la tête de Fidler. Et la bite était en fait était faite de punaise en fait. Bref, et ils ont utilisé ça comme arme. Catcheur préféré dans le tournoi, Ron Matisse. Enfin, bonne révélation en tout cas. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Romain? Eh ben, fuck les haters, j'aime Scotty Vortex. J'aurais voulu qu'il gagne parce que j'ai du mal avec Danny Havoc. Ron Matisse, c'est une bonne révélation. Drake Younger, j'espère que c'est pas son dernier deathmatch parce que c'était pas super. Et voilà, c'était bien. Non, ça c'était pas considéré comme un deathmatch hein, pour Drake Younger. Ah, c'était juste un match hardcore, genre. Ouais, voilà. Le dernier deathmatch, c'était vraiment un truc qu'on a fait en Allemagne, contre je sais pas qui. Ah oui, d'accord, c'était chez WXW. Ouais, contre... Non, mais c'était cool. Voilà. Masashi Takeda, ou je... Ah, après, je l'ai vu un peu à l'arrache, hein. Je l'ai vu après une nuit blanche, donc c'est pas terrible, mais... Mais non, c'était cool. Et justement, tu l'as dit avant l'émission, pour une fois, ils ont fait des matchs, quoi. Pour une fois, ils ont pas fait une espèce de bordel sanglant dégueulasse. Il y avait des mecs qui savaient catcher, quoi. Exactement, donc c'est justement ça que je voulais dire, en fait, aux auditeurs. Pour ceux qui pensent que le Tournament of Death, c'est juste on envoie des mecs au hasard se couper avec tout ce qui est possible. Eh bien non, c'est pas vrai, ils sont pas au hasard. Là, dans ce match, justement, ils ont fait des matchs pour une fois. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens reprochent au tournoi, parce qu'ils voulaient voir de la baston. Ils voulaient justement juste voir des trucs dégueulasses, mais les mecs ont fait des matchs. Et ils ont fait des matchs et il y avait des objets dans le match. Mais c'était un match quand même, c'était pas juste des gars qui se balançaient des trucs à la tête juste pour se balancer des trucs. Juste pour se balancer des trucs dans la tête. Moi, je trouve quand même que ça manque un truc, c'est... J'ai l'impression que la CZW aussi a un problème au niveau du renouvellement de son roster. Parce que là, je suis en train de regarder la carte du... Celui de 2010, on avait quand même... on avait déjà Danny Havoc, il y a quand même Nick Gage, il y avait Abdullah Kobayashi, il y avait Kalyan, il y avait Moxley, il y avait Drake Younger, bon, tu me diras, il était encore là, mais enfin, je sais pas, je trouve que ça avait quand même plus de gueule, quoi. Cette année, ouais, ça faisait un peu la carte du pauvre. Bah, ouais, mais je vais t'expliquer en deux minutes, c'est que tu prends trois des plus gros stars qui sont Kalyan, Moxley et Younger. Younger, il a déménagé. Ouais, Kalyan et Moxley, ils sont chez VV, ils sont juste pillés, quoi, comme la Ring of Honor. Le problème, c'est ça, c'est surtout que les deathmatch wrestlers aux États-Unis, la plupart, il y en a plus, enfin. Ou alors, c'est des backers d'heure. Voilà, exactement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nick Gage qui est en prison. Il y a Sam Black qui a fait en prison. Il y a JC Bailey qui est mort. Qui est mort. Il y avait Masada qui était blessé. Ouais. En gros, il reste vraiment plus personne. À part Danny Havoc, voilà. Donc, ouais. Hey, yo. Donc voilà, Fatman, est-ce que t'as fini le main event? Ouais, j'ai filmé mes neveux rapidement. Ouais, je sais pas, mais j'ai pas compris pourquoi tout le monde intervenait à la fin, mais voilà. Voilà. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de Chris Dickinson? C'est qui déjà? Qui a affronté. C'est une espèce de muscleur qui a affronté là. Mais attends, mais il était pas. Je me souviens d'un mec qui était vachement bon, mais qui était l'année dernière. Est-ce que c'était lui aussi? Oui. Un type qui ressemblait un peu aussi à un profil genre MMA. Un peu style Batista, non? Ah non, ça, c'était Scott Summers. Il était vachement cool, lui. Ouais, il est jamais revenu, d'ailleurs. Mais alors ça, par contre, ça, je l'avais déjà dit sur le forum, mais putain, Chris Dickinson, c'est un mec que j'avais découvert il y a genre un an et demi, qui était un indépendant paumé, qui est toujours un indépendant paumé, et à l'époque, il était super cool, tout ce que vous voulez, il était super dans le ring, machin et tout, mais il avait limite le physique à Nelson. Ouais, et là même pas un an et demi plus tard, il a ce physique là. Ouais. Il y a des petites aiguilles qui sont plantées dans les pieds. Ouais. Et pas que dans les petits docteur Fuentes qui est venu là. C'est ça. Tiens, bonjour Yann Ulrich. Voilà, on dit un petit bonjour à Yann Ulrich. D'ailleurs, by the way, Moi, je dis que pour moi, Lance Armstrong, il est toujours cette fois champion. Il a gagné toujours cette fois le tournoi, le truc de France. Mais oui. En parlant de, à jamais dans nos cœurs. En parlant de Chris Dickinson, d'ailleurs, il a fait un match qui est un des meilleurs matchs de, qui est un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année. Et c'était vraiment dans une fédération inconnue. Mais le match est dispo sur YouTube. C'est pour Beyond Wrestling, non? Non, c'était Interspecies Wrestling. Ah putain, c'est des tarés là. Je cherchais Jaka, Jaka, J-A-K-A, contre Chris Dickinson. Je le mettrai, tu sais quoi. Et le match est vraiment, vraiment bien. Donc voilà. On va passer à ma chronique vite fait, donc. Ouais. Donc ce week-end, je me suis rendu. Écoutez, parce que c'est intéressant. Donc ce week-end, je me suis rendu donc à Santiago do Jovelles, au Portugal. Ouais. Et quelqu'un vient de bugger, je sais pas qui. Bon, c'est l'émission en général. Donc, je me suis rendu à Santiago do Jovelles au Portugal et j'ai fait mes débuts dans un show de catch professionnel. Ah, c'est Siegfried Cabeuil. Chinois, trop fort. Donc, j'ai fait mes débuts dans le monde du catch professionnel. Donc, en gros, j'étais manager d'un catcheur qui vient de la Zero One Hong Kong. Oloun. Il s'appelle Oloun, ouais. Vous pouvez trouver des matchs de lui à la Zero One normal sur Dailymotion. Et en fait. Est-ce qu'il a déjà affronté des Sekimoto? Non, pas que je sais pas. Pas à notre connaissance. Il a affronté l'autre là, Daishi, comment il s'appelle? Daishi Hashimoto. Voilà, Daishi Hashimoto. Fils de la légende. Voilà, il l'a affronté à Hong Kong. Le fils du gros. Ah putain, il est incroyable, arrête. Et, donc en fait. Merci. Donc déjà, j'étais en coulisses. Oh, la vie d'Alson, c'est ça? J'ai raté le. Non, t'as début rien raté. Là. J'arrive au bon moment. Ouais. La vie de Nelson. Le timing de malade au moment où on parle d'Hashimoto, je crois qu'il y a Fatman ou Pierre qui dit oh le gros et t'as juste après les frites qui se reconnectent. Pounid. Donc j'étais en coulisses. Pounid, ouais, mais bon, c'est sans parler des effets du DDP Yoga qui nous fait perdre 13 kilos depuis février, donc ferme ta gueule gros con. Are you ready for the butter? J'étais en coulisses. Merci de laissez-moi raconter ma vie en paix. Donc, attends, j'ai envie d'insulter avec avant, s'il te plaît, donc ferme ta gueule. J'étais en coulisses, et donc j'étais dans le ce que vous pouvez appeler la gorilla. En même temps, c'est tellement gros que même une branlette, ça te faisait perdre un kilo et demi, quoi. Oh, oh, clash. Bon, allez, continue. Bon, ouais. C'est tellement gros que quand on est pas sommeil, là, donc. Donc, j'étais dans la gorilla position, donc juste derrière la sortie. Et Jack. J'ai eu le track, mais j'avais vraiment peur. Il y avait 140 personnes. Et je devais ouvrir le show devant 140 personnes avec une promo. Et j'ai flippé ma mère. Et je vous jure que j'ai failli partir en courant dans l'autre sens pour entrer dans mon backstage. Il y avait un blade job à faire. Mais on n'a rien compris. J'ai compris blade job, mais j'ai pas compris. Voilà. T'as compris blow job et c'est devenu bizarre. Exactement. Mais enfin bref, en parlant de blow job, je viens à une histoire qui m'a fait rappeler ça. What? Donc, en gros, j'ai commencé la promo, j'ai fait une promo heal. Ouais. Et c'est abusé comme. Quand t'es sur le ring et que le public commence à avoir tes premières réactions, tu perds complètement toute inhibition, c'est incroyable. Je faisais vraiment tout et n'importe quoi, je levais mon t-shirt, je faisais regarder mes abdos, alors que tout le monde sait que j'en ai même pas un. C'est bizarre. C'était vraiment grave. Et donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai fait un segment où moi, Owen et un autre catcheur, en fait, on a attaqué un jobber. Et à un moment, Owen et l'autre catcheur ont ouvert les jambes du jobber et m'ont dit taper. Et moi, j'avais peur de kicker. Et là, donc, on en vient au blue job. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un headbutt, directement les couilles. Headbutt. Et donc, quand tu rentrais en coulisses, le chinois m'a regardé, le premier truc qu'il m'a fait, c'est « The headbutt ». Good. J'ai fait merci. Et après, il m'a fait why didn't you kick? Pourquoi t'as pas donné de coup de pied? J'ai fait parce que j'avais peur de lui faire mal, alors j'ai fait un headbutt. Et le chinois, il a commencé à se marrer, il a fait oh, you want to blow job him. Ah ah ah. Et donc voilà, ça m'a fait rire. C'est un gros. Les chinois, ils ont humour. Hein. C'est un grand souvenir que j'ai eu de ce show. Oh, sinon, sinon Fatman, oui. Ça va être ta partie préférée. Il y a encore quelqu'un qui a bugué maintenant, je sais pas qui c'est. C'était moi. Ça va être... ma connexion pue un peu la merde là, c'est vrai. Ça va être ton passage préféré maintenant. Ah. Ah. Puisque ça va être le passage un peu malsain. Donc oui, pendant tout le match où j'étais heal et j'étais autour du ring en train de... Ah oui, les enfants, voilà. Ah, les enfants qui te sautent dessus, ouais. Des enfants sont venus me fouetter avec des ceintures de karaté. C'est leur sexe. Ils sont venus me donner des fessées. Et après le match, je me suis pris un Tiger Bomb. Ils sont tous montés sur moi. Et ils ont pris une photo avec tout le monde sur moi. D'ailleurs, la photo est disponible sur le forum catch. Sur YouPorn, tu vois. Sur YouPorn. C'est le logo Brazzers, quoi, juste à côté. Vous tapez Nelson aime les enfants sur Google, vous trouvez une vidéo intéressante. J'ai pas vu la réaction que j'espérais, là. Un autre gosse s'est levé et m'a mis une fessée. Je déconne pas, c'était incroyable. Daniel Cohn-Bendit. Je sais. Jack Lang. Nelson ne fait que respecter la règle du catch qu'a imposé Padman dans le dernier épisode, c'est-à-dire que le catch, il faut que ça touche les enfants. Voilà. Là, c'est plutôt les enfants qui touchent Nelson. Bah ouais, mais si le catch ne vient pas à toi, c'est toi qui dois aller au catch. Hein, donc... Ouais, mais t'envoies la crochet d'oc, à la fin, tu me les brises. Donc ouais, bon, tout ça pour dire que je me suis pris un Tiger Bomb. Ce beat GF1, quoi. Donc c'est tout ça pour dire que je me suis pris un Tiger Bomb et je me suis éclaté. Les fans m'ont détesté et j'ai adoré ça. Les enfants m'ont touché et voilà. Et t'as aimé ça. Et donc, maintenant, je crois que j'ai plus rien à dire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui, moi j'ai une question. Comment vous l'avez dit? Très bien. Voilà. Quoi, c'était quoi la question? Non, mais c'était bien. Bon, bref. Donc, vite avant de finir, on va jouer à un jeu que je vais faire avec les auditeurs. On va deviner le prénom de Fatman. Voilà. On aura une proposition chacun. Alain Soral. Donc je vais essayer de trouver un nom. Qui fait bien français. C'est qui la meuf avec les trucs en peau de vache là sur la dernière photo? C'est le mariage. Pas. Ah, ok. Tu t'appelles Jean? Non. C'est sympa quand même avec lui. Siegfried propose. Je connais la réponse donc voilà. Ouais, donc, Pierre, je vais pas dire qu'il s'appelle Clément quoi, voilà. Oh, donc voilà, il s'appelle Clément. Bonjour Clément. Je vais prendre dans la liste d'admissibilité du concours Minpon, je vais donner des noms. Est-ce que tu t'appelles Pierre de l'Astérie du Saillant de Combourg? Non, je m'appelle Clément Bobby de la Chapelle. Qu'est-ce que tu t'appelles? Stanislas de Lambert des Champs de Morel? Non plus. On n'est pas loin quand même, on n'est pas loin. Voilà. Il y a pas un mec qui s'appelle Bobby sur le forum? Il y a Bobby Wood. Je crois que Ian Rotten, son vrai nom c'est Bobby. Oui, Bobby s'appelle. Je crois, ouais. Pas le bouffe. Putain. Je suis pas sûr, hein, mais j'ai... Enfin bref. Donc ouais, je crois qu'on arrive à la fin de notre podcast. Ah bon, ton jeu était passionnant. Hein? Clément. Ton jeu était passionnant. Nickel jeu en deux secondes. Alors vas-y, chacun une blague. Fatman, une blague sur le catch. Une blague sur le catch? Ouais, une blague avec un catcheur, quoi. C'est l'histoire... De Marc Henry qui rentre dans un bar qui demande et qui a soif et qui demande un verre de blanc. Ouais. Et là il y a Michael Hayes qui arrive, c'est ça? Michael Hayes qui arrive. Bon, je vais te comprendre, c'est nul à chier. Voilà. Ouais, c'est nul. Siegfried, une blague de catcher. Oh, aucune idée, non, je sais pas. Pierre, une blague de catcher. D'accord. Alors, c'est une petite fille, elle est dans un camp nazi. Donc pour attacher ça au catch, on va dire que c'est la fille de Marc Henry. Et en fait, elle est toute contente, et l'officier vient de lui dire « Ah, ah, ah, pourquoi tu petite contente, ma petite fille ?» Je dis un petit de trop. Et la petite fille, elle dit « Bah parce que c'est mon anniversaire demain. » Et l'officier, il fait « Ah, ah, ah, non, pas sûr. » Voilà. T'aurais pu dire que c'est la fille de Paul Cabana, plutôt. C'est la... Oh, putain. La fille de Paul Cabana va manger des petits fours. Oh non! Y'a tout dans le gaz! Une blague à Carter! Je sais pas, il me faudrait Fouli là pour m'aider, mais non. C'est l'histoire de Randy Orton. Il va pour préparer un match avec un autre catcheur et il accepte de perdre. Fin. C'était la fin de Here Comes the Pain. Non, c'est pas la fin. Parce que déjà on a pas parlé d'Alain Soral, donc c'est pas la fin. On a pas parlé de TGF non plus, voilà. On a pas parlé du nouveau spectacle de Dieudonné. Fatman, t'en as pensé quoi? Je l'ai pas vu, j'ai vu rapidement, j'ai trouvé ça très médiocre. J'ai vu ça un peu quand même en dessous, au niveau qualité, entre Mahmoud et Rendez-nous Jésus, qui était quand même meilleur, je trouve. Non, j'ai trouvé ça en dessous de mes toilettes, niveau qualité. Mais peut-être que c'est voilà. Ça. Merci Fadman de d'avoir fait ce podcast avec nous. Je t'en prie, you're welcome. Non, c'est moi que tu dois remercier, c'est moi l'invité. Oui. Merci Fadman d'avoir fait ce podcast avec nous. Mais y'a aucun problème. Merci Siegfried d'avoir fait ce podcast avec nous. Pas de rien. Et Cartman, retourne Instagram. J'aimerais te remercier du fond de mon cœur d'avoir fait ce podcast avec nous. Oh, wow. Merci, c'est touchant. J'aimerais bien en refaire un dans genre un ou deux ans. Mon nom est Nelson, c'est Air Comes the Pain. Pourquoi, attends, j'ai une blague. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Je sais qu'elle a pas de bras. Parce qu'elle a pas de bras, ouais. Et donc ouais. C'est fini. Bonne nuit. Wouhou.